Chapitre 31. Des artifices qu'emploie le démon pour nous faire quitter le chemin de la vertu. La quatrième ruse mentionnée plus haut, celle dont le malin esprit se sert pour nous tromper lorsqu'il nous voit marcher dans le chemin de la perfection, c'est d'exciter en nous des désirs excellents, mais inopportuns, et de nous faire tomber ainsi de la pratique des vertus dans l'abîme du vice. Voilà, je suppose, une personne malade qui supporte patiemment son mal. Le démon, sachant que, par ce moyen, elle acquerra l'habitude de la patience, lui met devant les yeux beaucoup d'œuvres saintes qu'elle pourrait faire dans un autre état, et il s'efforce de lui persuader que, si elle se portait bien, elle servirait mieux le Seigneur et serait plus utile aux autres et à elle-même. Lorsqu'il est parvenu à exciter ses désirs en son cœur, il les fortifie peu à peu jusqu'à la rendre inquiète de ne pouvoir mettre ses désirs à exécution comme elle le voudrait bien. Et plus ses désirs grandissent et se fortifient, plus l'inquiétude augmente, plus l'ennemi la pousse adroitement et insensiblement à s'impatienter contre sa maladie, non pas en tant que maladie, mais en tant qu'obstacle aux œuvres qu'elle désire ardemment accomplir pour un plus grand bien. Quand il l'a poussée jusque-là, il efface peu à peu de son esprit les idées de service de Dieu et de bonnes œuvres, et n'y laisse que le seul désir d'être délivré de son mal. Mais, voyant que la guérison se fait attendre, elle se trouble au point de devenir tout à fait impatiente. C'est ainsi que de la vertu qu'elle pratiquait, elle tombe, sans s'en apercevoir, dans le vice contraire. Le moyen de vous garantir de cette illusion, c'est d'avoir soin, quand vous vous trouvez dans un état de souffrance, de tenir votre cœur fermé à tout désir qui, par le fait même qu'il est présentement irréalisable, ne fera vraisemblablement que vous causer de l'inquiétude. Vous devez croire alors en toute humilité, patience et résignation, que vos désirs n'auraient pas d'effet que vous souhaitez, parce que vous êtes plus faible et plus inconstant que vous ne vous l'imaginez. Ou bien encore pensez que Dieu, dans ses secrets jugements ou en punition de vos fautes, ne veut point que vous fassiez cette bonne œuvre, mais qu'il désire plutôt que vous vous humiliez avec patience sous la douce et puissante main de sa providence. De même, si l'ordre de votre Père spirituel ou quelque autre raison vous empêche de remplir à votre gré vos exercices ordinaires de dévotion, et spécialement de vous approcher de la sainte table, ne laissez pas pour cela le trouble et l'inquiétude entrer en votre cœur, mais dépouillez-vous de votre propre volonté et revêtez-vous du bon plaisir de Dieu en disant en vous-même « Si le regard de la divine providence ne découvrait pas en moi tant d'ingratitude et de défauts, je ne serais pas maintenant privé de la sainte communion. Mais puisque le Seigneur se sert de ce moyen pour me faire connaître mon indignité, qu'il en soit béni et loué. Confiant en votre bonté souveraine, je crois, ô mon Dieu, que la seule chose que vous demandez de moi, c'est qu'en supportant mes épreuves avec patience et en vue de vous plaire, je vous ouvre un cœur pleinement soumis à votre volonté, afin que vous y entriez spirituellement pour le consoler et le défendre contre les ennemis qui veulent vous le ravir. Que tout ce qui est bon à vos yeux s'accomplisse et que votre volonté, ô mon Créateur et mon Rédempteur, soit maintenant à jamais ma nourriture et mon soutien. La seule grâce que je vous demande, ô doux objet de mon amour, c'est que mon âme, purifiée de tout ce qui vous déplaît en elle et ornée des vertus saintes, se tienne prête à recevoir votre visite et à faire tout ce qu'il vous plaira de lui ordonner. Si vous mettez ces observations en pratique, tous les saints désirs que vous ne pourrez exécuter, qu'ils vous viennent de la nature, qu'il vous soit inculqué par le démon dans le but de vous inquiéter et de vous éloigner du santé de la vertu, ou bien par Dieu lui-même dans le dessein d'éprouver votre résignation à sa volonté, tous ces désirs, dis-je, vous fourniront l'occasion de servir votre divin maître de la manière qui lui plaît davantage. C'est là la véritable dévotion et l'hommage que Dieu attend de nous. Une pratique excellente pour ne pas perdre patience dans nos épreuves, de quelque part qu'elles nous arrivent, c'est, en employant les moyens licites dont les saints eux-mêmes se sont servis, de les employer non dans le désir d'être délivrés de nos maux, mais uniquement en vue d'obéir à Dieu, attendu que nous ne savons pas si les moyens que nous prenons sont ceux que Dieu choisit pour nous délivrer. Si vous agissez autrement, vous tomberez dans des maux plus grands encore, parce que vous vous abandonnerez facilement à l'impatience si l'événement ne répond pas à votre désir et à votre attente. Votre patience, du moins, sera moins parfaite et moins agréable à Dieu, et, partant, peu méritoire. Je veux enfin vous prémunir contre un artifice secret dont notre amour-propre se sert en certaines rencontres pour voiler et excuser nos défauts. C'est ainsi, par exemple, qu'un malade qui ne supporte son infirmité qu'à contre-cœur cache son impatience sous le voile d'un zèle ardent pour le bien. À l'entendre, le mécontentement qu'il témoigne, ce n'est que le juste déplaisir qu'il éprouve en songeant qu'il a été lui-même la cause de sa maladie et en voyant les ennuis et le dommage qu'elle occasionne aux autres par les soins qu'elle exige ou pour tout autre motif. De même, l'ambitieux qui se plaint de n'avoir pu obtenir la dignité qu'il convoitait n'a garde d'attribuer son chagrin à son orgueil et à sa vanité, mais il tâche de l'expliquer par d'autres motifs dont on sait parfaitement qu'il ne tient aucun compte quand ses intérêts ne sont à l'heure qu'il se plaignait des peines que son état occasionnait aux autres et qu'il s'inquiète fort peu maintenant de voir les mêmes personnes endurer les mêmes désagréments à propos de la maladie d'un autre. C'est là un signe évident que les plaintes qu'exhalent ces personnes ne proviennent nullement de leur charité pour le prochain, mais bien de leur secrète horreur pour tout ce qui contrarie leurs désirs. Pour vous, si vous voulez éviter cet écueil et d'autres encore, supportez avec une patience les afflictions, quelle que soit, je vous le répète, la cause qui les fait naître. Chapitre 32. Du dernier assaut du démon et de l'artifice auquel il a recours pour faire de la vertu même une occasion de ruine. Le malin et astucieux serpent pousse la ruse jusqu'à faire servir à notre ruine les vertus mêmes que nous avons acquises. Il nous les fait regarder avec une secrète complaisance et nous élève bien haut dans notre propre estime, afin de nous faire tomber ensuite dans le vice de l'orgueil et de la vaine gloire. Pour triompher de ce péril, prenez position dans la plaine égale et assurée d'une vraie et profonde conviction de votre néant. Persuadez-vous bien que vous n'êtes rien, que vous ne pouvez rien, que vous êtes rempli de misère et de défauts, et que vous ne méritez que la damnation éternelle. Retranchez-vous dans cette vérité et gardez-vous bien, quoi qu'il arrive, de faire un seul pas hors de cette enceinte, persuadé que les pensées ou les événements qui vous poussent à la quitter sont autant d'ennemis décidés à ne vous laisser sortir de leurs mains que morts ou grièvement blessés. Pour vous exercer à courir dans cette plaine assurée de la connaissance de votre néant, voici la méthode que vous avez à suivre. Lorsque vous jetterez les yeux sur vous-même et sur vos actions, envisagez seulement ce qui est de vous, sans y mêler ce que vous tenez de Dieu et de sa grâce, et estimez-vous tel que vous vous trouverez être par vous-même. Si vous considérez le temps qui a précédé votre naissance, vous verrez que, dans cet abîme sans borne de l'éternité, vous n'avez été qu'un pur néant, incapable de rien faire pour arriver à l'existence. Si vous regardez le temps présent où vous ne tenez l'existence que de la seule bonté de Dieu, qu'êtes-vous indépendamment de cette providence qui vous conserve à chaque instant? Qu'êtes-vous de vous-même, sinon un pur néant? Cela est si vrai que, si Dieu cessait un seul instant de vous soutenir, vous retomberiez immédiatement dans ce néant d'où vous a tiré sa main souveraine. Il est donc évident qu'à ne considérer que ce qui vous appartient dans l'ordre naturel, vous n'avez aucune raison de vous estimer, ni de prétendre à l'estime des autres. Et si de l'ordre naturel vous passez à l'ordre de la grâce et des bonnes œuvres, de quel bien et de quel mérite êtes-vous capable par vous-même et indépendamment du secours de Dieu? Si, d'autre part, vous considérez le nombre de vos péchés passés, si vous y ajoutez le nombre plus considérable encore de ceux que vous auriez commis si Dieu ne vous avait pas soutenu de sa main miséricordieuse, vous trouverez, en multipliant non seulement les jours et les années, mais aussi les actions et les habitudes mauvaises, car un vice en entraîne un autre, vous trouverez, dis-je, que sans la grâce, vos iniquités se seraient élevées presque à l'infini et que vous seriez devenu un autre Lucifer. À moins donc que vous ne vouliez ravir à la bonté divine la gloire et la reconnaissance qui lui sont dues, vous devez de jour en jour vous estimer plus mauvais. Ce jugement que vous portez sur vous-même, ayez bien soin qu'il soit accompagné de justice, sinon il pourrait vous être fort préjudiciable. Si la connaissance que vous avez de votre misère vous donne un avantage sur tel autre que l'orgueil aveugle, le désir d'être estimé des autres et de passer à leurs yeux pour ce que vous savez n'être pas en réalité, vous fait perdre considérablement de terrain et vous rend du côté de la volonté beaucoup plus coupable que lui. Si donc vous voulez que la connaissance de votre malice et de votre bassesse tienne vos ennemis à distance et vous concilie l'amitié de Dieu, Ne vous contentez pas de vous juger vous-même indigne de tout bien et digne de tout mal, mais prenez plaisir à être méprisé des autres, fuyez les honneurs, aimez les opprobres, et montrez-vous prêt en toute occasion à remplir les offices que les autres dédaignent. Leur manière de voir ne doit en aucun cas vous détourner de cette sainte pratique, du moment qu'elle vous est inspirée par le désir de vous humilier et de vous exercer à la vertu, et non par une certaine présomption d'esprit et par cet orgueil secret qui vous pousse, parfois, sous les meilleurs prétextes, à faire peu de cas ou même à ne tenir aucun compte du jugement d'autrui. Si les bonnes qualités que Dieu vous a départies vous attirent l'affection et les louanges des hommes, tenez-vous bien recueillis en vous-même. Ne vous écartez jamais, ne fût-ce que d'un pas, de la vérité et de la justice dont je vous ai parlé, mais tournez-vous vers Dieu et dites-lui du fond du cœur « Ne permettez pas, Seigneur, que je vous dérobe l'honneur qui vous est dû et que je m'attribue le mérite des dons qui me viennent de vous. À vous la louange, l'honneur et la gloire, à moi la confusion. » Tournant ensuite votre pensée vers la personne qui vous loue, dites-vous à vous-même « D'où vient que cette personne me trouve bon, puisqu'il n'y a rien de bon que Dieu et ses œuvres ?» En agissant de la sorte et en rendant au Seigneur ce qui lui appartient, vous tiendrez vos ennemis à distance et vous vous disposerez à recevoir de Dieu un accroissement de grâce et de bienfaits. Si le souvenir de vos bonnes œuvres vous pousse à la vanité, considérez ces bonnes œuvres non comme venant de vous, mais comme venant de Dieu seul, et dites-leur intérieurement, comme si vous leur parliez. Je ne sais comment vous continuez à exister dans mon esprit. Ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi, mais à Dieu que vous devez la naissance. C'est sa grâce qui vous a créé, nourri et conservé. C'est donc lui seul que je veux reconnaître comme votre véritable et principal auteur. Lui seul que je veux voir honoré à cause de vous. Considérez ensuite que toutes les bonnes œuvres que vous avez faites en votre vie, non seulement n'ont point répondu à l'abondance des lumières et des grâces que Dieu vous avait accordées pour les connaître et les accomplir, mais qu'elles ont été très imparfaites et fort éloignées de cette pureté d'intention, de cette ferveur et de cette diligence qui devaient les accompagner et présider à leur exécution. C'est pourquoi, à bien considérer les choses, vous avez plutôt sujet de rougir de vos œuvres que d'en tirer vanité, car il n'est que trouverait que les grâces qui sortent pures et parfaites de la main de Dieu se souillent en nous au contact de nos imperfections. En outre, comparez vos œuvres avec celles des saints et des pieux serviteurs de Dieu, et ce parallèle vous convaincra que les meilleures et les plus grandes de vos œuvres sont encore de très basse alloi et de minime valeur. Comparez-les ensuite avec ce que Jésus-Christ a fait en votre faveur aux diverses époques de la vie crucifiée qu'il a menée ici-bas. Considérez ses œuvres en elles-mêmes et, abstraction faite de sa divinité, songez à l'amour si tendre et si pur qui les animait et vous serez contraint d'avouer que les vôtres ne sont que néant. Enfin, si vous élevez votre esprit jusqu'à la divinité et si vous envisagez la majesté souveraine de Dieu et les hommages qu'elle mérite de notre part, vous verrez clairement que vos bonnes œuvres doivent être pour vous un motif de crainte, bien plus qu'un sujet de vanité. C'est pourquoi, quelque bien que vous fassiez, vous devez dire à Dieu de tout votre cœur, « Mon Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur. » Je vous conseille en outre de vous tenir en garde contre la tentation de publier les faveurs que Dieu vous accorde. Le trait suivant vous montrera combien lui déplaît le manque de réserve à cet égard. Le Sauveur apparut un jour sous la forme d'un petit enfant, à une de ses fidèles servantes. Celle-ci, le prenant pour un enfant ordinaire, l'invita à réciter la salutation angélique. Jésus commença immédiatement. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Là, il s'arrêta, ne voulant pas se louer lui-même en récitant les paroles qui suivent. Et tandis qu'elle le priait de continuer, Jésus disparut, laissant sa servante remplie de consolation et toute pénétrée de la céleste doctrine qu'il venait de lui enseigner par son exemple. Et vous aussi, âme chrétienne, apprenez à vous humilier, reconnaissant que vous n'êtes, avec toutes vos œuvres, qu'un pur néant. C'est là le fondement de toutes les vertus. Dieu, quand nous n'étions pas encore, nous a tirés du néant et, maintenant que nous existons par lui, nous devons faire reposer tout l'édifice de notre sanctification sur la reconnaissance de cette vérité, que de nous-mêmes nous ne sommes rien. Plus nous nous abaisserons, plus l'édifice s'élèvera. À mesure que nous creuserons le sol de notre misère, le divin architecte y déposera les pierres solides qui doivent servir de fondement au majestueux édifice. Ne croyez pas pouvoir jamais descendre assez bas, et persuadez-vous bien que s'il pouvait y avoir quelque chose d'infini dans la créature, votre bassesse le serait. Avec cette connaissance bien mise en pratique, l'homme possède toutes sortes de biens. Sans elle, il est un peu plus que rien. Fit-il autant de bonnes œuvres qu'en ont accompli tous les saints ensemble? Et demeura-t-il continuellement absorbé en Dieu? Ô admirable connaissance, qui nous rend heureux sur la terre et glorieux dans le ciel! Ô lumière qui sort des ténèbres et rend les âmes radieuses! Ô perle inconnue qui brille parmi nos souillures! Ô néant qui met en possession de toutes choses ceux qui savent le connaître! Sur ce sujet, je parlerai sans jamais me lasser. Si vous voulez louer Dieu, accusez-vous vous-même et désirez d'être accusé par les autres. Si vous voulez le glorifier en vous et vous glorifier en lui, humiliez-vous vis-à-vis de tous et au-dessous de tous. Si vous désirez le trouver, ne vous élevez pas car il fuira loin de vous. Abaissez-vous et abaissez-vous autant que vous le pourrez. Vous le verrez venir à vous et vous tendre les bras. Il vous accueillera. Et il vous pressera sur son cœur, avec d'autant plus d'amour que vous vous rendrez plus vil à vos propres yeux, et que vous mettrez votre bonheur à être méprisé de tous, et à être rebuté partout comme un objet d'horreur. Ce don inestimable que votre Sauveur, abreuvé d'outrage pour vous, vous fait afin de vous unir à lui, persuadez-vous bien que vous en êtes indigne. Remerciez-le souvent de cette faveur, et soyez plein de reconnaissance pour les personnes qui y ont donné occasion, et tout spécialement pour celles qui vous ont foulé aux pieds ou qui croient que vous ne supportez les affronts qu'à regret et à contre-cœur. Et si réellement il en est ainsi, gardez-vous bien de rien laisser paraître à l'extérieur. Si la malice du démon, notre ignorance et nos inclinations perverses l'emportent en nous sur ces considérations, si puissantes pourtant et si vraies, si le désir de nous élever au-dessus des autres ne cesse de nous troubler et de faire impression sur notre cœur, humilions-nous d'autant plus à nos propres yeux que nous voyons par expérience combien nous avançons peu dans la spiritualité et dans la véritable connaissance de nous-mêmes, attendu que nous ne parvenons pas à nous délivrer de ces pensées importunes qui ont leurs racines dans notre orgueil et notre vanité. Par ce moyen, nous tirerons le miel du poison et le remède de la blessure même. Chapitre 33. Quelques avis pour surmonter les passions mauvaises et pour avancer dans la vertu. Quoique je vous ai beaucoup parlé déjà des moyens à prendre pour vous vaincre vous-même et orner votre âme des vertus chrétiennes, il me reste encore quelques avis à vous donner. Premièrement, gardez-vous bien, si vous voulez faire des progrès dans la vertu, d'avoir pour vos exercices spirituels une règle pour ainsi dire stéréotypée qui fixe un exercice à un jour et l'autre à un autre jour. L'ordre à suivre dans ce combat et dans cet exercice, c'est de faire la guerre aux passions, dont les attaques vous ont causé et vous causent encore chaque jour le plus de dommages, et d'acquérir, dans le plus haut degré possible, les vertus qui leur sont opposées. Une fois en possession de ces vertus, vous aurez mille occasions d'acquérir les autres, vous le ferez facilement, et sans qu'il soit besoin pour cela d'actes multipliés, car les vertus sont tellement liées les unes aux autres qu'il suffit d'une vertu fortement ancrée dans notre cœur pour y attirer aussitôt toutes les autres. Deuxièmement, ne limitez jamais le temps que vous emploierez à acquérir une vertu. Ne déterminez ni les jours, ni les semaines, ni les années, mais faites comme si vous en étiez encore à vos premiers pas. Et, semblable à un soldat nouvellement enrôlé, combattez sans trêve et gravissez les hauteurs de la perfection. Ne vous arrêtez pas un seul instant, parce que s'arrêter dans le chemin de la vertu et de la perfection, ce n'est pas se reposer et reprendre des forces, c'est reculer et s'affaiblir de plus en plus. Quand je parle de m'arrêter, j'entends se persuader que l'on est arrivé à la perfection, négliger les occasions qui se présentent de poser de nouveaux actes de vertu et mépriser les fautes légères. Soyez donc soigneux, fervent et toujours prêts à saisir les moindres occasions de pratiquer la vertu. Aimez toutes les occasions d'avancer dans la sainteté, aimez surtout celles qui présentent de grandes difficultés, car les efforts que l'on fait pour surmonter les obstacles forment plus promptement les habitudes vertueuses et les enracinent plus profondément dans notre âme. Chérissez donc les personnes qui vous fournissent ces occasions. Seulement, évitez avec soin et fuyez à pas précipité tout ce qui pourrait donner lieu aux tentations de la chair. Troisièmement, soyez prudent et discret à l'égard des pratiques qui peuvent mettre votre santé en danger, comme la discipline, les cilices, le jeûne, les macérations et autres mortifications du même genre. On doit se former à ces exercices peu à peu et par degrés, ainsi que nous le dirons par après. Pour ce qui concerne les vertus purement intérieures, comme l'amour de Dieu, le mépris du monde, l'humilité, la haine des passions mauvaises et du péché, la douceur et la patience, l'amour du prochain et des ennemis. Il ne faut pas chercher à les acquérir peu à peu et à s'y élever par degrés, mais en produire les actes avec toute la perfection possible. Quatrièmement, que toutes les pensées de votre âme, tous les désirs de votre cœur et tous les actes de votre volonté n'aient qu'un seul but, vaincre la passion que vous combattez et acquérir la vertu contraire. Que ce soit là pour vous le monde entier, le ciel et la terre. N'ambitionnez point d'autres trésors et faites toutes vos actions en vue de plaire à Dieu. Que vous mangiez ou que vous jeûniez, que vous travailliez ou que vous vous reposiez, que vous veilliez ou que vous dormiez, que vous restiez chez vous ou que vous sortiez, que vous vous appliquiez aux exercices de piété ou aux œuvres manuelles. Votre unique but doit être de vaincre et de surmonter cette passion et d'acquérir la vertu contraire. Cinquièmement, haïssez généralement les commodités, les agréments de la vie, et vous ne serez que faiblement combattus par les vices qui tous ont le plaisir pour racine. Retranchez par la haine de vous-même cette racine maudite, et tous les vices perdront en vous leur force et leur vigueur. Mais si, pendant que vous faites la guerre à un vice et que vous résistez aux séductions d'un plaisir en particulier, vous vous attachez à d'autres plaisirs défendus, ne le fût-il que sous peine de fautes légères, la lutte sera rude et sanglante, et la victoire incertaine et rare. C'est pourquoi ayez toujours présente à l'esprit ces sentences de l'Écriture. Celui qui aime son âme la perdra, et celui qui hait son âme en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Mes frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Sixièmement, enfin, je vous avertis qu'il est utile et parfois nécessaire de faire avant tout une confession générale accompagnée de toutes les dispositions requises, et cela pour mieux vous assurer de l'amitié de celui qui est à la source de toutes les grâces et l'auteur de toutes les victoires. Chapitre 34. Qu'il faut acquérir les vertus peu à peu, en s'y exerçant graduellement et sans vouloir les pratiquer toutes à la fois. Quoique le chrétien désireux d'arriver au fait de la perfection ne doive point mettre de borne à son avancement spirituel, il faut néanmoins que la prudence modère en lui cette ferveur inconsidérée qui, après l'avoir, dès le principe, poussée en avant avec trop de vigueur, se ralentit bientôt et l'abandonne à mi-chemin. C'est pourquoi, sans revenir sur les règles que je vous ai tracées pour vos exercices extérieurs, je crois utile de vous faire remarquer que les vertus intérieures doivent s'acquérir peu à peu et par degrés. C'est le moyen de faire des progrès rapides et durables. Ainsi, nous ne devons pas, ordinairement du moins, nous exercer à désirer les adversités et à nous en réjouir que nous n'ayons auparavant passé par les degrés les plus bas de la vertu de patience. Ne vous attachez pas non plus à toutes, ni même à plusieurs vertus ensemble, mais à une seule d'abord, puis à une autre. De cette manière, l'habitude s'enracine plus facilement et plus profondément dans l'âme. Si vous bornez vos efforts à l'acquisition d'une seule vertu, la mémoire y court en toute occasion, avec plus de promptitude. L'entendement s'ingénie à trouver pour l'acquérir des moyens et des motifs nouveaux, et la volonté s'y porte avec plus d'ardeur et de facilité. Il en serait tout autrement si l'activité de ces puissances était dispersée sur divers objets. Ajoutez à cela que la similitude des actes à produire pour acquérir une seule et même vertu nous rend ces actes moins pénibles. L'un attire et assiste l'autre, et la ressemblance qu'ils ont entre eux est cause qu'ils font plus d'impression sur nous. Les derniers, en effet, trouvent dans le cœur une demeure bien préparée et toute prête à les recevoir, comme elle a reçu ceux qui ont précédé. Ces raisons vous paraîtront plus convaincantes encore si vous réfléchissez que la pratique d'une vertu apprend la pratique des autres et que les progrès de l'une entraînent les progrès de toutes, puisqu'elles sont toutes inséparablement unies entre elles, comme autant de rayons projetés par la même lumière divine. Chapitre 35. Des moyens d'acquérir les vertus et comment nous devons nous appliquer à la même vertu durant un certain espace de temps. Outre les dispositions que je vous ai signalées plus haut, il faut, pour acquérir les vertus chrétiennes, une âme grande et généreuse, une volonté ferme et résolue, que n'effraie point la prévision des contradictions et des peines sans nombre qui se rencontrent dans le chemin de la perfection. Il faut de plus que l'âme soit inclinée à l'amour des vertus qu'elle veut acquérir. Cette inclination s'obtient en considérant combien les vertus plaisent à Dieu, combien elles sont nobles et excellentes en elles-mêmes, et combien elles nous sont utiles et nécessaires, puisqu'elles sont principes est le terme de la perfection. Il importe extrêmement de faire le matin le ferme propos de profiter de toutes les occasions que nous aurons vraisemblablement de les pratiquer et d'examiner souvent durant le jour si nous avons, oui ou non, exécuté nos bonnes résolutions, afin de les renouveler avec plus de ferveur. Cet examen doit rouler tout spécialement sur la vertu que nous nous sommes proposés d'acquérir. C'est à cette même vertu que nous devons à rapporter les exemples des saints, nos oraisons et la méditation, si nécessaires en tous les exercices spirituels, de la vie et de la passion de Jésus-Christ. Nous devons, ainsi que nous l'expliquerons ci-après, tenir la même conduite dans toutes les occasions qui se présenteront, si différentes qu'elles soient les unes des autres. Tâchons d'arriver, à force d'actes intérieurs et extérieurs de vertu, à produire ces actes avec autant de promptitude et facilité que nous en avions auparavant à suivre nos penchants naturels. Et rappelons-nous ce qui a été dit plus haut, que plus ces actes seront contraires à nos inclinations, plus vite ils introduiront dans notre âme l'habitude de la vertu. Les sentences de la Sainte Écriture prononcées de bouche, ou tout au moins de cœur, avec le respect qui leur est dû, nous aideront merveilleusement en cet exercice. Tenons donc à notre disposition un bon nombre de textes en rapport avec la vertu que nous cherchons à acquérir. Répétons-les souvent dans le courant de la journée, et tout spécialement quand nous nous sentirons assaillis par la passion contraire. Si, par exemple, nous nous exerçons à la patience, nous pourrons nous servir des paroles suivantes ou d'autres semblables. Si, par exemple, nous nous exerçons à la patience, nous pourrons nous servir des paroles suivantes ou d'autres semblables. Mes enfants, supportez patiemment la colère qui est tombée sur vous. La patience des pauvres ne sera pas frustrée pour toujours. L'homme patient vaut mieux que l'homme courageux, et celui qui est maître de son esprit vaut mieux que celui qui prend les villes d'assaut. Courons par la patience au combat qui nous est proposé. Nous pourrons, dans le même but, faire les aspirations suivantes ou d'autres du même genre. Quand Dieu armera-t-il mon cœur du bouclier de la patience? Quand saurai-je, pour plaire à mon divin maître, supporter d'un cœur tranquille les épreuves de la vie? Ô souffrance bien-aimée qui me rendait semblable à mon Sauveur Jésus, souffrant pour moi! Ô l'unique vie de mon âme, ne me verrai-je jamais, pour votre gloire, pleinement heureux au sein des souffrances? Quel serait mon bonheur si, au milieu des flammes de la tribulation, j'aspirais à des tourments plus grands encore? Nous nous servirons à toute heure de ces sortes de prières, suivant le progrès que nous aurons fait dans la vertu et les pensées que nous aspirera l'esprit de dévotion. Ces oraisons s'appellent oraisons jaculatoires, du latin jaculum, qui signifie trait, parce que ce sont comme autant de traits que nous lançons vers le ciel. Elles ont une force merveilleuse pour nous exciter à la perfection et toucher le cœur de Dieu, à condition toutefois qu'elles soient accompagnées de deux choses qui leur servent en quelque sorte d'ailes. La première, c'est une conviction profonde que Dieu prend plaisir à voir notre âme s'exercer à la vertu. La seconde, un vrai et ardent désir de l'acquérir, dans la seule vue de plaire à sa divine majesté. Chapitre 36. Que l'exercice de la vertu exige une application constante. Une condition importante, indispensable même, pour parvenir au but que nous poursuivons, je veux dire l'acquisition des vertus, c'est la persévérance à marcher en avant. S'arrêter, c'est reculer. En effet, dès que nous cessons de nous appliquer à la pratique des vertus, la violence de notre inclination au plaisir des sens, jointe aux sollicitations qui nous viennent du dehors, donne nécessairement naissance à beaucoup de passions désordonnées qui détruisent ou affaiblissent les habitudes des vertus. En outre, ce manque d'application nous prive des grâces nombreuses que Dieu accorde à ceux qui marchent courageusement dans le chemin de la perfection. C'est la différence qui existe entre ce chemin et les chemins ordinaires. Dans ces derniers, en effet, le voyageur, en s'arrêtant, ne perd rien de la distance parcourue, tandis que dans le premier, il perd énormément de terrain. Une différence encore, c'est que, dans les routes ordinaires, la lassitude s'accroît en proportion du chemin que l'on fait, tandis que, dans le chemin de la vertu, les forces augmentent à mesure que l'on avance. La raison en est que l'exercice des vertus affaiblit la partie inférieure dans la résistance, augmente la difficulté et les fatigues du chemin, et qu'il affermit et fortifie de plus en plus la partie supérieure où la vertu réside. Ainsi, à mesure qu'on avance dans la voie de la perfection, la peine qu'on y éprouve diminue de plus en plus, et la joie secrète que Dieu mêle à cette peine s'accroît sans cesse. Le chrétien, marchant ainsi de vertu en vertu avec une facilité et une joie toujours croissante finit par arriver au sommet de la montagne et à cet état de perfection qui permet à l'âme de se livrer aux aspirations spirituelles, non seulement sans dégoût, mais avec un plaisir ineffable, parce qu'ayant vaincu et dompté les passions déréglées et s'étant mise au-dessus de toutes les choses créées, elle vit au sein de Dieu et goûte, parmi des labeurs sans trêve, les délices d'un repos inaltérable.